Moll Flanders, 11e partie. Je revins en effet le soir suivant, et j'amenai avec moi ma fille de chambre, afin de lui faire voir que j'avais une fille de chambre. Il voulait que je priasse cette fille d'attendre, mais je ne le voulus point, et lui recommandai à haute voix de revenir me chercher à 9 heures. Mais il s'y refusa, et me dit qu'il désirait me reconduire jusque chez moi, ce dont je ne fus pas très charmé, supposant qu'il n'avait d'autre intention que de savoir où je demeurais et de s'enquérir de mon caractère et de ma condition. Pourtant je m'y risquai, car tout ce que les gens de là-bas savaient de moi n'était qu'à mon avantage, et tous les renseignements qu'il eut sur moi furent que j'étais une femme de fortune et une personne bien modeste et bien sobre. Qu'ils fussent vrais ou non, vous pouvez voir combien il est nécessaire à toutes femmes qui sont à l'affût dans le monde de préserver la réputation de leur vertu, même quand, par fortune, elles ont sacrifié la vertu elles-mêmes. Je trouvai, et n'en fus pas médiocrement charmé, qu'il avait préparé un souper pour moi. Je trouvai aussi qu'il vivait fort grandement et qu'il avait une maison très bien garnie. Ce qui me réjouit en vérité, car je considérais tout comme étant à moi. Nous eûmes maintenant une seconde conférence sur le même sujet que la dernière. Il me serra vraiment de très près. Il protesta de son affection pour moi, et, en vérité, je n'avais point lieu d'en douter. Il me déclara qu'elle avait commencé dès le premier moment que je lui avais parlé, et longtemps avant que je lui eusse dit mon intention de lui confier mon bien. « Peu importe le moment où elle a commencé, pensais-je, pourvu qu'elle dure, tout ira assez bien. » Il me dit alors combien l'offre que je lui avais faite de lui confier ma fortune l'avait engagée. Et c'était bien l'intention que j'avais, pensais-je, mais c'est que je croyais à ce moment que tu étais célibataire. Après que nous eûmes soupé, je remarquai qu'il me pressait très fort de boire 2 ou 3 verres de vin, ce que toutefois je refusai, mais je bus 1 verre ou 2. Puis il me dit qu'il avait une proposition à me faire, mais qu'il fallait lui promettre de ne point m'en offenser si je ne voulais m'y accorder. Je lui dis que j'espérais qu'il ne me ferait pas de proposition peu honorable, surtout dans sa propre maison, et que, si elle était telle, je le priais de ne pas la formuler, afin que je ne fusse point obligé d'entretenir à son égard des sentiments qui ne conviendraient pas au respect que j'éprouvais pour sa personne et à la confiance que je lui avais témoignée en venant chez lui et le suppliais de me permettre de partir. Et en effet, je commençai de mettre mes gants et je feignis de vouloir m'en aller, ce que toutefois je n'entendais pas plus qu'il n'entendait me le permettre. Eh bien, il m'importuna de ne point parler de départ. Il m'assura qu'il était bien loin de me proposer une chose qui fût peu honorable, et que, si c'était là ma pensée, il n'en dirait point davantage. Pour cette partie, je ne la goûtai en aucune façon. Je lui dis que j'étais prête à écouter, quoi qu'il voulût dire, persuadé qu'il ne dirait rien qui fût indigne ou qu'il ne convint pas que j'entendisse. Sur quoi il me dit que sa proposition était la suivante. Il me priait de l'épouser, bien qu'il n'eût pas obtenu encore le divorce d'avec sa femme. Et, pour me satisfaire sur l'honnêteté de ses intentions, il me promettait de ne pas me demander de vivre avec lui ou de me mettre au lit avec lui jusqu'à ce que le divorce fût prononcé. » Mon cœur répondit oui à cette offre dès les premiers mots. Mais il était nécessaire de jouer un peu l'hypocrite avec lui, de sorte que je parus décliner la motion avec quelque animation, sous le prétexte qu'il n'avait point de bonne foi. Je lui dis qu'une telle proposition ne pouvait avoir de sens et qu'elle nous emmêlerait tous deux en des difficultés inextricables, puisque si, en fin de compte, il n'obtenait pas le divorce, pourtant nous ne pourrions dissoudre le mariage non plus qu'y persister. De sorte que s'il était désappointé dans ce divorce, je lui laissais à considérer la condition où nous serions tous deux. En somme, je poussai mes arguments au point que je le convainquis que c'était une proposition où il n'y avait point de sens. Alors il passa à une autre, qui était que je lui signerais et scellerais un contrat, m'engageant à l'épouser sitôt qu'il aurait obtenu le divorce, le contrat étant nul s'il n'y pouvait parvenir. Je lui dis qu'il y avait plus de raison en celle-ci qu'en l'autre, mais que ceci étant le premier moment où je pouvais imaginer qu'il eût assez de faiblesse pour parler sérieusement, je n'avais point coutume de répondre oui à la première demande et que j'y réfléchirais. Je jouais avec cet amant comme un pêcheur avec une truite. Je voyais qu'il était grippé à l'hameçon, de sorte que je le plaisantais sur sa nouvelle proposition et que je différais ma réponse. Je lui dis qu'il était bien peu informé sur moi et le priai de s'enquérir. Je lui permis aussi de me reconduire à mon logement, mais je ne voulus point lui offrir d'entrée, car je lui dis que ce serait peu décent. En somme, je me risquai à éviter de signer un contrat, et la raison que j'en avais est que la dame qui m'avait invité à aller avec elle dans le Lancashire y mettait tant d'insistance et me promettait de si grandes fortunes et que j'y trouverais de si belles choses que j'eus la tentation d'aller essayer la fortune. Peut-être, me disais-je, que j'amenderais infiniment ma condition, et alors je ne me serais point fait scrupule de laisser là mon honnête bourgeois dont je n'étais pas si amoureuse que je ne pusse le quitter pour un plus riche. En un mot, j'évitai le contrat, mais je lui dis que j'allais dans le Nord et qu'il saurait tout m'écrire pour les affaires que je lui avais confiées, que je lui donnerais un gage suffisant du respect que j'entretenais pour lui, puisque je laisserais dans ses mains presque tout ce que je possédais au monde, et que je voulais bien lui promettre que sitôt qu'il aurait terminé les formalités de son divorce, s'il voulait m'en rendre compte, je viendrais à Londres, et qu'alors nous parlerions sérieusement de l'affaire. C'est avec un vil dessein que je partis, je dois l'avouer, quoique je fusse invité avec un dessein bien pire, ainsi que la suite le découvrira. Enfin, je partis avec mon ami, comme je l'ai nommé, pour le Lancashire. Pendant toute la route, elle ne cessa de me caresser avec une apparence d'extrême affection sincère et sans déguisement. Me régala de tout, sauf pour le prix du coche. Et son frère vint à notre rencontre à Warrington avec un carrosse de gentilhomme, d'où nous fûmes menés à Liverpool avec autant de cérémonie que j'en pouvais désirer. Nous fûmes aussi entretenus fort bellement dans la maison d'un marchand de Liverpool pendant 3 ou 4 jours. J'éviterai de donner son nom à cause de ce qui suivit. Puis elle me dit qu'elle voulait me conduire à la maison d'un de ses oncles, où nous serions royalement entretenus, et son oncle, comme elle l'appelait, nous fit chercher dans un carrosse à 4 chevaux qui nous emmena à près de 40 lieues, je ne sais où. Nous arrivâmes cependant à la maison de campagne d'un gentilhomme où se trouvait une nombreuse famille, un vaste parc, une compagnie vraiment extraordinaire et où l'on l'appelait cousine. Je lui dis que si elle avait résolu de m'amener en de telles compagnies, elle eût dû me laisser emporter de plus belles robes. Mais les dames relevèrent mes paroles et me dirent avec beaucoup de grâce que dans leur pays on n'estimait pas tant les personnes à leurs habits qu'à Londres, que leur cousine les avait pleinement informées de ma qualité et que je n'avais point besoin de vêtements pour me faire valoir. En somme, elles ne m'entretinrent pas pour ce que j'étais, mais pour ce qu'elles pensaient que je fusse, c'est-à-dire une dame veuve de grande fortune. La première découverte que je fis là fut que la famille se composait toute de catholiques romains, y compris la cousine. Néanmoins, personne au monde n'eût pu tenir meilleure conduite à mon égard, et on me témoigna la même civilité que si j'eusse été de leur opinion. La vérité est que je n'avais pas tant de principes d'aucune sorte que je fusse bien délicate en matière de religion. Et tantôt j'appris à parler favorablement de l'Église de Rome. Je leur dis en particulier que je ne voyais guère qu'un préjugé d'éducation dans tous les différends qu'il y avait parmi les chrétiens sur le sujet de la religion, et que s'il se fût trouvé que mon père eût été catholique romain, je ne doutais point que j'eusse été aussi charmé de leur religion que de la mienne. Ceci les obligea au plus haut point. Et ainsi que j'étais assiégé jour et nuit par la belle société et par de ravissants discours, ainsi eus-je 2 ou 3 vieilles dames qui m'entreprirent aussi sur la religion. Je fus si complaisante que je ne me fis point scrupule d'assister à leur messe et de me conformer à tous leurs gestes, suivant qu'elles m'en montraient le modèle. Mais je ne voulus point céder sans profit, de sorte que je ne fis que les encourager en général à espérer que je me convertirais si on m'instruisait dans la doctrine catholique comme elle disait, si bien que la chose en resta là. Je demeurai ici environ 6 semaines, et puis ma conductrice me ramena dans un village de campagne à 6 lieues environ de Liverpool, où son frère, comme elle le nommait, vint me rendre visite dans son propre carrosse avec 2 valets de pied en bonne livrée. Et tout aussitôt, il se mit à me faire l'amour. Ainsi qu'il se trouva, on eût pu penser que je ne saurais être pipée, et en vérité, c'est ce que je croyais, sachant que j'avais une carte sûre à Londres, que j'avais résolu de ne pas lâcher, à condition de trouver beaucoup mieux. Pourtant, selon toute apparence, ce frère était un parti qui valait bien qu'on l'écoutât. Et le moins qu'on évaluât son bien était un revenu annuel de 1000 livres. Mais la sœur disait que les terres en valaient 1500, et qu'elle se trouvait pour la plus grande partie en Irlande. Moi qui étais une grande fortune, et qui passais pour telle, j'étais bien trop élevée pour qu'on osât me demander quel était mon état. Et ma fausse amie, s'étant fiée à de sots racontars, l'avait grossie de 500 à 5000 livres. Et dans le moment que nous arrivâmes dans son pays, elle en avait fait 15 000 livres. L'Irlandais, car tel je l'entendis être, courut sur l'appât comme un forcené. En somme, il me fit la cour, m'envoya des cadeaux, s'endetta comme un fou dans les dépenses qu'il fit pour me courtiser. Il avait, pour lui rendre justice, l'apparence d'un gentilhomme d'une élégance extrême. Il était grand, bien fait et d'une adresse extraordinaire. Parlait aussi naturellement de son parc et de ses écuries, de ses chevaux, ses gardes-chasse, ses bois, ses fermiers et ses domestiques, que s'il eût été dans un manoir et que je les eusse vus tous autour de moi. Il ne fit jamais tant que me demander rien au sujet de ma fortune ou de mon état, mais m'assura que lorsque nous irions à Dublin, il me doterait d'une bonne terre qui rapportait 600 livres par an et qu'il s'y engagerait en me la constituant par acte ou par contrat afin d'en assurer l'exécution. C'était là, en vérité, un langage auquel je n'avais point été habitué, et je me trouvais hors de toutes mes mesures. J'avais à mon sein un démon femelle qui me répétait à toute heure combien son frère vivait largement. Tantôt elle venait prendre mes ordres pour savoir comment je désirais faire peindre mon carrosse, comment je voulais le faire garnir. Tantôt pour me demander la couleur de la livrée de mon page. En somme, mes yeux étaient éblouis. J'avais maintenant perdu le pouvoir de répondre non, et, pour couper court à l'histoire, je consentis au mariage. Mais, pour être plus privés, nous nous fîmes mener plus à l'intérieur du pays, et nous fûmes mariés par un prêtre qui, j'en étais assuré, nous marierait aussi effectivement qu'un pasteur de l'église anglicane. Je ne puis dire que je n'eus point à cette occasion quelques réflexions sur l'abandon déshonnête que je faisais de mon fidèle bourgeois, qui m'aimait sincèrement et qui, s'efforçant de se dépêtrer d'une scandaleuse coquine dont il avait reçu un traitement barbare, se promettait infiniment de bonheur dans son nouveau choix. Lequel choix venait de se livrer à un autre d'une façon presque aussi scandaleuse que la femme qu'il voulait quitter. Mais l'éclat scintillant du grand état et des belles choses que celui que j'avais trompé et qui était maintenant mon trompeur ne cessait de représenter à mon imagination m'entraîna bien loin et ne me laissa point le temps de penser à Londres ou à chose qui y fut, bien moins à l'obligation que j'avais envers une personne d'infiniment plus de mérite réel que ce qui était devant moi à l'heure présente. Mais la chose était faite. J'étais maintenant dans les bras de mon nouvel époux, qui paraissait toujours le même qu'auparavant. Grand jusqu'à la magnificence, et rien moins que 1000 livres par an, ne pouvait suffire à l'ordinaire équipage où il paraissait. Après que nous eûmes été mariés environ un mois, il commença à parler de notre départ pour Westchester, afin de nous embarquer pour l'Irlande. Cependant, il ne me pressa point, car nous demeurâmes encore près de 3 semaines. Et puis il envoya chercher à Chester un carrosse qui devait venir nous rencontrer au Rocher Noir, comme on le nomme, vis-à-vis de Liverpool. Là, nous allâmes en un beau bateau qu'on appelle Pinasse à 6 rames. Ses domestiques, chevaux et bagages furent transportés par un bac. Il me fit ses excuses pour n'avoir point de connaissances à Chester, mais me dit qu'il partirait en avant afin de me retenir quelque bel appartement dans une maison privée. Je lui demandai combien de temps nous séjournerions à Chester. Il me répondit « Point du tout, pas plus qu'une nuit ou deux, mais qu'il louerait immédiatement un carrosse pour aller à Holyhead. » Alors je lui dis qu'il ne devait nullement se donner la peine de chercher un logement privé pour une ou deux nuits. Car Chester étant une grande ville, je n'avais point de doute qu'il n'y eût là de fort bonnes hôtelleries dont nous pourrions assez nous accommoder. De sorte que nous logeâmes dans une hôtellerie qui n'est pas loin de la cathédrale. J'ai oublié quelle en était l'enseigne. Ici, mon époux, parlant de mon passage en Irlande, me demanda si je n'avais point d'affaires à régler à Londres avant de partir. Je lui dis que non, ou du moins point qui eusse grande importance, et que je ne pusse traiter tout aussi bien par lettre de Dublin. « Madame, dit-il fort respectueusement, je suppose que la plus grande partie de votre bien, que ma sœur me dit être déposée principalement en argent liquide à la Banque d'Angleterre, est assez en sûreté. Mais au cas où il faudrait opérer quelque transfert ou changement de titre, il pourrait être nécessaire de nous rendre à Londres et de régler tout cela avant de passer l'eau. » Je parus là-dessus faire étrange mine et lui dis que je ne savais point ce qu'il voulait dire, que je n'avais point d'effets à la Banque d'Angleterre qui fussent à ma connaissance et que j'espérais qu'il ne pouvait dire que je lui eusse prétendu en avoir. « Non, dit-il, je ne lui en avais nullement parlé, mais sa sœur lui avait dit que la plus grande partie de ma fortune était déposée là. Et si j'y ai fait allusion, ma chérie, dit-il, c'était seulement afin que, s'il y avait quelque occasion de régler vos affaires ou de les mettre en ordre, nous ne fussions pas obligés au hasard et à la peine d'un voyage de retour. Car, ajoutait-il, il ne se souciait guère de me voir trop me risquer en mer. Je fus surprise de ce langage et commençai de me demander quel pouvait en être le sens, quand soudain il me vint à la pensée que mon ami, qu'il l'appelait son frère, m'avait représenté à lui sous de fausses couleurs. Et je me dis que j'irais au fond de cette affaire avant de quitter l'Angleterre et avant de me remettre en des mains inconnues dans un pays étranger. Là-dessus, j'appelai sa sœur dans ma chambre le matin suivant, et, lui faisant connaître le discours que j'avais eu avec son frère, je la suppliai de me répéter ce qu'elle lui avait dit et sur quel fondement elle avait fait ce mariage. Elle m'avoua lui avoir assuré que j'étais une grande fortune et s'excusa sur ce qu'on le lui avait dit à Londres. « Vous l'a dit ? » repris-je avec chaleur. « Est-ce que moi, je vous l'ai jamais dit ?»« Non, dit-elle, il était vrai que je ne le lui avais jamais dit, mais j'avais dit à plusieurs reprises que ce que j'avais était à ma pleine disposition. »« Oui, en effet, répliquai-je très vivement, mais jamais je ne vous ai dit que je possédais ce qu'on appelle une fortune. Non ? Que j'avais 100 livres, ou la valeur de 100 livres, et que c'était tout ce que j'avais au monde. Et comment cela s'accorderait-il avec cette prétention que je suis une fortune, dis-je, que je sois venu avec vous dans le nord de l'Angleterre, dans la seule intention de vivre à bon marché? Sur ces paroles, que je criais avec chaleur et à haute voix, mon mari entra dans la chambre et je le priai d'entrer et de s'asseoir, paré que j'avais à dire devant eux deux une chose d'importance qu'il était absolument nécessaire qu'il entendît. Il eut l'air un peu troublé de l'assurance avec laquelle je semblais parler et vint s'asseoir près de moi, ayant d'abord fermé la porte. Sur quoi je commençai, car j'étais extrêmement échauffée, et, me tournant vers lui, « J'ai bien peur, dis-je, mon ami, car je m'adressais à lui avec douceur, qu'on ait affreusement abusé de vous et qu'on vous ait fait un tort qui ne pourra point se réparer en vous amenant à m'épouser. Mais comme je n'y ai aucune part, je demande à être quitte de tout blâme, et qu'il soit rejeté là où il est juste qu'il tombe, nulle part ailleurs, car pour moi, je m'en lave entièrement les mains. « Quel tort puis-je avoir éprouvé, ma chérie ? » dit-il, « en vous épousant. J'espère que de toute manière, j'en ai tiré honneur et avantage. Je vous l'expliquerai tout à l'heure, lui dis-je, et je crains que vous n'ayez trop de raisons de vous juger fort maltraité. Mais je vous convaincrai, mon ami, dis-je encore, que je n'y ai point eu de part. » Il prit alors un air d'effarement et de stupeur, et commença, je crois, de soupçonner ce qui allait suivre. Pourtant, il me regarda en disant seulement « Continuez ». Il demeura assis, silencieux, comme pour écouter ce que j'avais encore à dire, de sorte que je continuai. « Je vous ai demandé hier soir, dis-je en m'adressant à lui, si jamais je vous ai fait parade de mon bien, ou si je vous ai dit jamais que j'eusse quelque fortune déposée à la Banque d'Angleterre ou ailleurs, et vous avez reconnu que non, ce qui est très vrai. Et je vous prie que vous me disiez ici, devant votre sœur, si jamais je vous ai donné quelque raison de penser de telle chose, ou si jamais nous avons eu aucun discours à ce sujet. » Et il reconnut encore que non, mais dit que je lui avais toujours semblé femme de fortune, qu'il était persuadé que je le fusse et qu'il espérait n'avoir point été trompé. « Je ne vous demande pas si vous avez été trompé, dis-je, mais je le crains bien, et de l'avoir été moi-même. Mais je veux me justifier d'avoir été mêlé dans cette tromperie. Je viens maintenant de demander à votre sœur si jamais je lui ai parlé de fortune ou de bien que j'eusse, ou si je lui ai donné les détails là-dessus. Et elle avoue que non. Et je vous prie, madame, dis-je, d'avoir assez de justice pour m'accuser si vous le pouvez. Vous ai-je jamais prétendu que j'eusse du bien? Pourquoi, si j'en avais eu, serais-je venu jamais avec vous dans ce pays afin d'épargner le peu que je possédais et de vivre à bon marché? » Elle ne put nier, mais dit qu'on lui avait assuré à Londres que j'avais une très grande fortune qui était déposée à la Banque d'Angleterre. « Et maintenant, cher monsieur, dis-je en me retournant vers mon nouvel époux, ayez la justice de me dire qui nous a tant dupé, vous et moi, que de vous faire croire que j'étais une fortune et de vous pousser à me solliciter de mariage. » Il ne put dire une parole, mais montra sa sœur du doigt, et, après un silence, éclata dans la plus furieuse colère où j'ai vu homme du monde. Il l'injuria et la traita de tous les noms et des plus grossiers qu'il put trouver. Lui cria qu'elle l'avait ruiné, déclarant qu'elle lui avait dit que j'avais 15 000 livres et qu'elle devait en recevoir 500 de sa main pour lui avoir procuré cette alliance. Puis il ajouta, s'adressant à moi, qu'elle n'était point du tout sa sœur, mais qu'elle avait été sa paix depuis tantôt 2 ans, qu'elle avait déjà reçu de lui 100 livres d'acompte sur cette affaire, et qu'il était entièrement perdu si les choses étaient comme je le disais. Et dans sa divagation, il jura qu'il allait sur-le-champ lui tirer le sang du cœur, ce qui la terrifia, et moi aussi. Elle cria qu'on lui avait dit tout cela dans la maison où je logeais. Mais ceci l'irrita encore plus qu'avant, qu'elle eût osé le faire aller si loin, n'ayant point d'autre autorité qu'un oui-dire. Et puis, se retournant vers moi, dit très honnêtement qu'il craignait que nous fussions perdus tous deux. « Car à dire vrai, ma chérie, je n'ai point de bien, dit-il, et le peu que j'avais, ce démon me l'a fait dissiper pour me maintenir en cet équipage. » Elle saisit l'occasion qu'il me parlait sérieusement pour s'échapper de la chambre, et je ne la revis plus jamais. J'étais confondue maintenant autant que lui et ne savais que dire. Je pensais de bien des manières avoir entendu le pire, mais lorsqu'il me dit qu'il était perdu et qu'il n'avait non plus de bien, je fus jetée dans l'égarement pur. « Quoi ? Lui dis-je, mais c'est une fourberie infernale, car nous sommes mariés ici sur le pied d'une double fraude. Vous paraissez perdu de désappointement, et si j'avais eu une fortune, j'aurais été dupe moi aussi, puisque vous dites que vous n'avez rien. » « Vous auriez été dupe, oui, vraiment, ma chérie, » dit-il, « mais vous n'auriez point été perdue, car 15 000 livres nous auraient entretenus tous deux fort bravement dans ce pays, et j'avais résolu de vous en consacrer jusqu'au dernier denier. Je ne vous aurais pas fait tort d'un shilling, et j'aurais payé le reste de mon affection et de la tendresse que je vous aurais montrée pendant tout le temps de ma vie. » C'était fort honnête en vérité, et je crois réellement qu'il parlait ainsi qu'il l'entendait, et que c'était un homme aussi propre à me rendre heureuse par son humeur et sa conduite comme du monde. Mais à cause qu'il n'avait pas de bien, et qu'il s'était entêté sur ce ridicule dessein dans le pays où nous étions, l'avenir paraissait morne et affreux, et je ne savais que dire ni que penser. Je lui dis qu'il était bien malheureux que tant d'amour et tant de bonnes intentions que je trouvais en lui fussent ainsi précipitées dans la misère, que je ne voyais rien devant nous que la ruine, quant à moi, que c'était mon infortune que le peu que j'avais ne put suffire à nous faire passer la semaine. Sur quoi je tirai de ma poche un billet de banque de 20 livres et 11 guinées que je lui dis avoir épargné sur mon petit revenu, et que, par le récit que m'avait fait cette créature, de la manière dont on vivait dans le pays où nous étions, je m'attendais que cet argent m'eût entretenu 3 ou 4 ans. Que s'il m'était ôté, je serais dénué de tout, et qu'il savait bien quelle devait être la condition d'une femme qui n'avait point d'argent dans sa poche. Pourtant, je lui dis que s'il voulait le prendre, il était là. Il me dit avec beaucoup de chagrin, et je crus que je voyais des larmes dans ses yeux, qu'il ne voulait point y toucher, qu'il avait horreur de la pensée de me dépouiller et de me réduire à la misère, qu'il lui restait 50 guinées, qui étaient tout ce qu'il avait au monde, et il les tira de sa poche et les jeta sur la table, en me priant de les prendre, quand il dut mourir de faim par le manque qu'il en aurait. Je répondis, en lui témoignant un intérêt pareil, que je ne pouvais supporter de l'entendre parler ainsi, qu'au contraire, s'il pouvait proposer quelque manière de vivre qui fût possible, que je ferais de mon mieux et que je vivrais aussi strictement qu'il pourrait le désirer. Il me supplia de ne plus parler en cette façon à cause qu'il en serait affolé. Il dit qu'il avait été élevé en gentilhomme, quoiqu'il fût réduit à une fortune si basse, et qu'il ne restait plus qu'un moyen auquel il pût penser, et qui même ne se saurait employer, à moins que je ne consentisse à lui répondre sur une question, à laquelle, toutefois, il dit qu'il ne voulait point m'obliger. Je lui dis que j'y répondrais honnêtement, mais que je ne pourrais dire si ce serait à sa satisfaction ou autrement. « Eh bien alors, ma chérie, répondez-moi franchement, dit-il. Est-ce que le peu que vous avez pourra nous maintenir tous deux en bravoure ou nous permettre de vivre en sécurité ou non ? » Ce fut mon bonheur de ne point m'être découverte, ni ma condition, aucunement. Non, pas même mon nom. et voyant qu'il n'y avait rien à attendre de lui, quelque bonne humeur et quelque honnêteté qu'il parût avoir, sinon qu'il vivrait sur ce que je savais devoir bientôt être dissipé, je résolus de cacher tout, sauf le billet de banque et les 11 guinées, et j'eusse été bien heureuse de les avoir perdus au prix qu'il m'eût remis où j'étais avant que de me prendre. J'avais vraiment sur moi un autre billet de 30 livres, qui était tout ce que j'avais apporté avec moi, autant pour en vivre dans le pays que ne sachant point l'occasion qui pourrait s'offrir. Parce que cette créature, l'entremetteuse, qui nous avait ainsi trahis tous deux, m'avait fait accroire d'étranges choses sur les mariages avantageux que je pourrais rencontrer, et il ne me plaisait point d'être sans argent, quoi qu'il pût advenir. Ce billet, je le cachai, ce qui me fit plus généreuse, du reste, en considération de son état, car vraiment, j'avais pitié de lui de tout mon cœur. Mais pour revenir à cette question, je lui dis que jamais je ne l'avais dupé de mon gré et que jamais je ne le ferais. J'étais bien fâchée de lui dire que le peu que je possédais ne nous entretiendrait pas tous deux, que je n'en aurais point eu assez pour subsister seule dans le pays du Sud, et que c'était la raison qui m'avait fait me remettre aux mains de cette femme qui l'appelait frère, à cause qu'elle m'avait assuré que je pourrais vivre très bravement dans une ville du nom de Manchester, où je n'avais point encore été, pour environ 6 livres par an, et tout mon revenu ne dépassant pas 15 livres par an, je pensais que je pourrais en vivre facilement en attendant de meilleurs jours. Il secoua la tête et demeura silencieux, et nous passâmes une soirée bien mélancolique. Pourtant, nous soupâmes tout doux, et nous demeurâmes ensemble cette nuit-là, et quand nous fûmes près d'avoir fini de souper, il prit un air un peu meilleur et plus joyeux, et fit apporter une bouteille de vin. « Allons, ma chérie, dit-il, quoique le cas soit mauvais, il ne sert de rien de se laisser abattre. Allons, n'ayez point d'inquiétude, je tâcherai à trouver quelque moyen de vivre. Si seulement vous pouvez vous entretenir seul, cela vaut mieux que rien. Moi, je tenterai de nouveau la fortune. Il faut qu'un homme pense en homme. Se laisser décourager, c'est céder à l'infortune. » Là-dessus, il emplit un verre et but à ma santé, tandis qu'il me tenait la main, tout le temps que le vin coulait dans sa gorge, puis m'assura que son principal souci était à mon sujet.